Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Fou d'histoire, pour donner la parole à ceux, à celles qui ne sont pas historiens, qui ne sont pas historiennes, mais qui portent un regard sur le passé, qui travaillent avec le passé. Amélie Poulain, Séraphine, Jackie, Yves Saint-Laurent, le papé et Galinette dans Manon des Sources. Ah, le costume au cinéma est essentiel dans la construction de notre imaginaire, parce que quand nous lisons un livre d'histoire, les images qui nous arrivent en tête viennent bien souvent du cinéma, de ce que nous avons vu dans cette construction du passé. Madeleine Fontaine, créatrice de costumes pour le cinéma, est folle d'histoire. Madeleine Fontaine, bonjour. Bonjour. Lequel vous a donné le plus de fil à retordre? Quel costume est encore dans votre mémoire comme celui qui a été le plus difficile? J'ai pas de mauvais souvenirs, en fait. Enfin, j'en ai sûrement, mais il n'y a pas de costume qui a donné plus de fil à retordre. En tout cas, ça ne me vient pas à l'esprit. Ils ont tous leurs particularités, tous leurs exigences, j'allais dire. Oui. Mais du fil à retordre, non, ça ne me vient pas. Celui qui vous a demandé le plus de temps, le plus de réflexion, parce que votre filmographie est conséquente et nous allons l'évoquer aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Mais c'est vrai que vous avez traversé les siècles, voire les millénaires. À quel mais moment ça c'est se le plus voit dur pas vraiment. Non, ça se voit pas du tout. Au contraire. Non, mais c'est vrai qu'il y a des costumes qui demandent beaucoup plus de travail que d'autres. Vous avez travaillé, je pense à l'Antiquité avec Astérix aux Jeux Olympiques. Alors bien sûr, nous imaginons une toge, que c'est facile, ça l'est peut-être pas tant que ça. Et puis en travaillant sur Versailles du temps de Louis XIV, là, nous imaginons des costumes beaucoup plus complexes. La difficulté est plus l'adaptation, en fait, d'un costume. C'est très technique, en fait, j'allais dire. C'est ça qui est difficile, c'est de faire en sorte qu'il soit confortable pour pouvoir être vécu d'une manière naturelle et donc nous emmener dans quelque chose de crédible. Donc la difficulté, elle est souvent technique. C'est ces problèmes-là qui sont à résoudre. Quand vous travaillez sur les costumes, il y a des étapes. Étape première, vous recevez un scénario, vous travaillez déjà sur le texte? Bien sûr. Ah oui. C'est la première chose. C'est de quoi est-ce qu'on va avoir besoin et quelles vont être justement les difficultés, quelles sont les choses à privilégier, parce qu'on est, il y a évidemment ça aussi. Et après le texte, il y a l'image, bien évidemment. Eh oui. Il y a les références picturales, photographiques, il y a l'immersion dans l'histoire, justement, pour arriver à être. En fait, on est vraiment des interprètes, j'allais dire. Avec la responsabilité de ce qu'on montre, de ce qu'on donne à voir et de la manière dont on peut emmener le public dans une époque. Pas devant une vitrine, mais dans une époque, dans l'authenticité d'une époque. Authentique, c'est quoi? Il faut que ce soit crédible, il faut que ce soit vécu, il faut que ce soit sensible. Et ce n'est qu'une interprétation, pas une imitation, pas une retranscription. Je veux dire, c'est vraiment la manière dont on le ressent, dont on est nourri par l'histoire. Qui permet de l'évoquer, en fait. Juste dans cette réflexion, j'entends beaucoup que vous insistez sur la réalité de ce moment, alors du tournage, de la fabrication. Le costume lui-même, même s'il est historique, doit être lié au tournage. Il y a une forme d'adaptation et presque d'une attente du public. Oui, sans doute. Mais la première relation qu'on va avoir au costume, en dehors du visuel, c'est comment est-ce que le comédien va s'incarner dans le personnage par le biais du costume. Et ça, c'est toujours délicat. Il faut que ça soit une collaboration. Et les corps ont changé. Donc, quand on travaille sur l'époque, bien évidemment, on n'a pas les mêmes mesures, on n'a pas les mêmes critères. Et il faut pour autant que ça soit quelque chose qui aide à passer et dans l'époque et dans le caractère. Oui, parce qu'il y a de ça aussi. Qui habillez-vous? Est-ce l'acteur ou est-ce le personnage? Parce qu'il y a toujours cette réflexion à avoir. Et quand vous travaillez sur un film historique pendant la Première Guerre mondiale, mais tant d'autres, vous avez, je vous dis, traversé les siècles, on le voit bien, c'est l'acteur qui compte ou pas? Ça commence avec lui, bien évidemment. Parce que sans l'acteur, on n'arrive pas au personnage. Donc il faut vraiment que ça soit une bonne connivence. Le travail, il se fait là. C'est une incarnation, en fait. Et ça doit pouvoir aider et pas contraindre. Ça peut contraindre parfois? Il y a des contraintes dans le costume, enfin, particulièrement dans le costume d'époque. Encore une fois, on n'a pas les mêmes corps qu'on avait dans bien d'autres époques. Je parle des femmes en particulier parce que clairement, pendant très longtemps, elles ont été contraintes par le costume. Et porter un corset, ça change l'attitude. Porter une robe longue dans laquelle qu'il faut pouvoir projeter en avant quand on marche, c'est pas porter un jean. Donc bien sûr qu'il y a des contraintes et il faut qu'elles soient bien vécues, j'allais dire, parce que c'est important. Ça peut aider aussi à passer dans une attitude qui est plus juste. Mais il faut pas qu'elles soient trop grandes parce que sinon ça empêche d'être naturel et d'être bien. Vous avez votre scénario, vous avez travaillé les périodes. Donc après, vous allez chercher où, notamment pour l'iconographie, pour retrouver ces images? Oui, il y a beaucoup de sources possibles. Et maintenant, en plus, effectivement, avec l'informatique, il y a encore plus d'accessibilité sans avoir à aller dans les bibliothèques. Moi, j'adorais aller dans les bibliothèques, je continue à le faire. Et dans les musées, parce que c'est souvent, dans les périodes anciennes, c'est souvent par la peinture qu'on arrive à avoir des informations et des sensations, en plus des émotions, des sensations. Sur la matière, sur les couleurs. Après, il y a aussi source d'informations directes sur des modèles existants. C'est-à-dire par exemple, dans les stocks de Galliera, il y a des vêtements d'époque qui sont extraordinairement riches en informations pour ce qui est de la fabrication des costumes, des couleurs, des tissus. Le musée Galliera à Paris. Leur stock. Ouais, c'est ça qui est formidable, hein, c'est cet intérêt porté aux costumes. Vous l'avez bien... justement souligné Madeleine Fontaine, et puis il y a toute la peinture. Se promener dans les musées, pour vous, c'est une immersion complète. Et indispensable. Je pense que ça donne, ça se nourrit. Parce qu'après, il faut pouvoir interpréter, donc forcément il faut partir de quelque chose de sensible et déjà de visuel. En même temps, les écrits sont également des sources d'inspiration. J'allais vous poser la question, parce que c'est très bien, hein, l'iconographie, le visuel, nous l'imaginons comme un lien évident pour saisir le costume, mais il y a le texte, et puis il y a même, c'est très difficile ça, à saisir l'air du temps. Dès lors, vous vous plongez dans ces ouvrages d'histoire? Mais avec gourmandise, j'allais dire, c'est à chaque fois une page qui s'ouvre sur quelque chose qu'on connaît peu, parce qu'on connaît peu de choses finalement, et que c'est l'occasion idéale pour rentrer dans le sujet, pour s'en nourrir, pour s'immerger justement, pour pouvoir en sortir avec suffisamment d'éléments pour pouvoir improviser. Et oui, c'est ça, parce qu'après il faut adapter, évidemment, c'est ce que vous parliez d'interprétation, et nous avons la chance, vous avez aussi la chance de bénéficier de tous ces travaux, et parfois assez récents, hein, sur l'histoire du costume avec la figure majeure de Michel Pastoureau. Le zèbre m'a servi de fil conducteur, et au Moyen-Âge, les zoologues le connaissent mal, mais ils le savent rayer. Par la science arabe, les occidentaux le savent rayer, et parce qu'ils le savent rayer, ils en font un animal péjoratif, parfois même diabolique. Ouais. Et puis, on va retrouver le zèbre au XVIIIe siècle sous la plume de Buffon, et alors pour Buffon, le zèbre, c'est le plus bel animal de la création. Oui, alors c'est là, ça change. D'un seul coup, les rayures vont peu à peu s'installer, vous dites, chez les domestiques et chez les aristocrates. Dans le laudatif, la mauvaise rayure ne disparaît pas. Il y a tout un ancien régime qui cultive la mauvaise rayure sur le vêtement des domestiques, sur le vêtement des servantes, sur le vêtement des militaires également, mais naît aussi une bonne rayure, d'abord au XVIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle. Ouais. La rayure, signe de liberté, et la Révolution américaine et la Révolution française développeront à grande échelle la Révolution française, ces bonnes rayures. C'est fou. On ne peut pas. Le directoire, les incroyables. Voilà, oui, le style directoire est entièrement formidable. Eh, vous l'avez reconnu, donc c'est Michel Pastoureau qui parlait dans l'émission Bouillon de Culture avec Bernard Pivot, puis Daniel Auteuil à la fin qui rajoute quelques éléments. Madeleine Fontaine, alors, la rayure, formidable. Mais voilà, il est nécessaire pour vous aussi d'approcher ce travail, alors érudit, universitaire. C'est très complexe, le costume, parce que ce qui est mis en avant est souvent la mode du moment. Mais les gens ne sont pas toujours à la mode, il y a toujours ce décalage. Vous prenez cela en compte? La mode, je ne sais pas moi, du directoire ne fait pas que toutes les femmes, tous les hommes du directoire portaient ces vêtements-là. Il y a toujours ces petits décalages. Bien sûr, parce qu'en fait, il s'agit encore une fois de caractère. Ça parle aussi de milieu social, de personnes aussi. Je veux dire, l'idéal serait de pouvoir habiller une même personne dans plein d'époques différentes pour le même rôle. Parce que là, du coup, c'est vraiment une sensibilité, nuancée. Bien évidemment, tout le monde ne s'habille pas pareil. La mode est beaucoup plus... J'allais dire maintenant, elle nivelle beaucoup plus par le bas qu'elle n'a pu le faire à d'autres moments. On ne pouvait pas ne pas être dans les canons de l'époque. Mais la mode n'avait pas ces impératifs, je trouve, de société. Daniel Auteuil évoque comme période le Directoire à la toute fin du XVIIIe siècle, cette fin de la Révolution française, pour le dire simplement. Madeleine Fontaine, vous hochez de la tête. Ça vous plaît, ça, le Directoire? Mais ce que j'aime bien dans cette époque, et que j'ai pas travaillé jusqu'à maintenant, ce que j'aime bien dans cette époque, c'est même pas le Directoire qui m'intéresse, c'est juste la pré-révolution. Et ce que ça a libéré, en particulier pour le corps des femmes. C'était tout d'un coup plus le vêtement qui faisait le corps, mais le corps qui faisait le vêtement. Et ça, ça a été assez peu souvent depuis l'Antiquité. Oui, parce que il y a dans votre travail l'idée évidente de s'approcher au plus près de ce qu'a pu être le costume. Mais nous les avons évoquées, ces contraintes. Le corset, vous n'obligez pas quand même les actrices à porter le corset, même si ça doit être au plus près, parce que c'est d'une violence. Elles le portent. Elle le porte, mais on fait des corsets un peu adaptés, c'est-à-dire on fait des corsets sur mesure pour les comédiennes qui doivent vivre dedans pendant plusieurs semaines, et on les allège. Je veux dire, c'est pas, il y a plus le busque devant qui empêche de s'asseoir, il y a plus toutes ces contraintes terribles, elles sont plus serrées au point de ne pas pouvoir respirer, à tomber dans les pommes. C'est adapté, mais bien sûr qu'elles en ont un. C'est là-dessus qu'on construit les vêtements. Oui, c'est ça. C'est une construction globale du vêtement. Et dans cette construction-là, il est un élément à prendre en compte. On l'oublie souvent, mais c'est tout simplement le corps. On ne peut pas parler du corps humain sans poser le problème du vêtement. Parce que, comme l'a dit, je crois, Hegel, je ne sais plus dans quel terme exactement, le vêtement, c'est le moment où le sensible devient signifiant. C'est-à-dire, c'est le vêtement, c'est par quoi le corps humain devient signifiant et donc porteur de signes ou même de ses propres signes. Dans cette société traditionnelle, ancienne ou disons monarchique, où le vêtement signalait donc des différences de classe, le métier par exemple était absolument incorporé au vêtement et le vêtement lui-même était, si je puis dire, incorporé au corps. C'est Roland Barthes, philosophe, sémiologue, qui s'exprimait à propos du vêtement en 1978, quand le sensible devient signifiant. Le corps est à prendre en compte dans votre travail, Madeleine Fontaine, de créatrice de costumes pour le cinéma, des costumes d'époque. Le corps est essentiel, vous adaptez votre costume à la personnalité de l'acteur, de l'actrice. Déjà à son physique. Parce qu'un caractère, un personnage ne sera pas le même selon la personne qui va l'incarner, bien c'est évidemment. C'est sûr, voilà, Emmanuel Béart et Depardieu, c'est pas les mêmes corps. Non, mais même sans aller dans des extrêmes autant aussi différents, il y a des physiques qui sont très difficiles à habiller en époque et d'autres pour qui c'est, avec lesquels c'est plus facile. Ce sont des canons de beauté qui sont très variables, fluctuants. Donc c'est bien évidemment à partir du corps du comédien. Après, c'est aussi par rapport à sa carnation, son aisance à bouger, etc. Bien sûr, il y a une adaptation. Vous dites qu'il y a des corps de comédiens qui sont difficiles à adapter pour des films d'époque. Dans certaines époques. Ah, c'est intéressant, ça. Vous avez été confronté à ça ? On l'est tout le temps confronté. Enfin, c'est rare d'avoir un corps qui s'adapte à toutes les époques. Surtout une époque contemporaine dans laquelle on est maintenant. Parce qu'on vit différemment. Parce que les gens bougent, font du sport, mangent autrement. Enfin, bien évidemment, c'est différent. Mais pour certains physiques, c'est plus compliqué que pour d'autres. Oui. Parce que les critères sont différents. Les canons physiques sont différents. Vous adaptez le costume lui-même, justement, pour pallier à ces différences, à ces corps inadaptés pour certaines époques. Ils sont pas inadaptés, mais ils sont plus ou moins flattés par l'époque, on va dire. Ils sont plus ou moins, ils correspondent plus ou moins au canon de l'époque. Habillée en 18e, une femme qui n'a pas de poitrine, pas de, enfin les hanches, c'est pas de problème, parce que de toute façon, on en aura rajouté beaucoup avec le costume, mais qui, c'est difficile. Parce que c'est pas révélateur de l'époque, c'est pas évocateur de l'époque. Évocateur, c'est vraiment le mot, parce qu'il y a cette attente du public. Le public, nous, moi, le premier, avons des images en tête, mais souvent issues du cinéma. Et comment dire, c'est presque comme si nous l'attendons, cette image-là, quand nous allons voir un film d'époque. Ça, vous le prenez en compte aussi ? Bien sûr. Enfin, en tout cas, je prends pas en compte ce qu'attend le public, je prends en compte ce qu'est mon travail de rendre au mieux l'image de l'époque en question. Et son sentiment. Et c'est difficile, hein, c'est difficile de rendre au mieux l'époque en question. Madeleine Fontaine, vous êtes donc créatrice de costumes et vous avez été récompensée. Ah, des Césars, il y en a à la maison pour un long dimanche de fiançailles, pour Séraphine, pour la bonne épouse aussi, et puis des prix internationaux. Et ça, c'est absolument magique hein, d'avoir cette réflexion parce que le costume d'époque est une grande tradition française. Nous sommes fiers de notre histoire dans le cinéma. Comment lisez-vous cette histoire? Est-ce que vous avez l'impression que la France a conservé tout son prestige de film historique, comme on disait, ou est-ce que cela a un petit peu changé? Je pense qu'il y a toujours cet engouement pour le passé, pour l'histoire, pour le fil de l'histoire en France. Je pense que les Américains s'en emparent beaucoup. Oui, maintenant. On le sent. Hein. Ouais. Mais alors, toujours avec la volonté que ça soit moderne, ce qui est quand même toujours un peu paradoxal. Comme si l'histoire, c'était une toile de fond intéressante parce que colorée, variée, dentelle, froufrou, etc. Mais qu'en fait, le but, c'était pas d'être dans l'époque, mais d'avoir ça comme... comment dire? C'est assez démonstratif et c'est pas du tout lié à la... ils ont pas la même sensibilité que nous, bien sûr, par rapport à l'histoire, puisqu'ils ont pas la même histoire. Mais ça m'est arrivé de travailler sur des projets américains. Je parle pas de Jackie, parce que là, c'était leur histoire, et c'est ce qui rendait les choses délicates. Mais globalement, je vois ce que sont les séries américaines. C'est très, très décalé par rapport à ce qu'on a, nous, comme sentiment. Ça vous pique les yeux quand vous regardez certains de ces films venus d'Hollywood? Ça peut. Mais non, parce que nous-mêmes, parfois, ça nous pique les yeux. Alors, on se dit, la professionnelle que vous êtes, ça doit être quelque chose de terrible. Et là, vous venez de citer ce film hein, pour lequel vous avez été encore une fois remarqué. C'est Jackie. Cette Jackie, c'est évidemment Jackie Kennedy. Ladies and gentlemen. France Culture. I do not think it. Le cours de l'histoire. Altogether inappropriate. To introduce myself to this audience, I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. Xavier Mauduit. Madame, le monde entier vous connaît maintenant comme Mrs. Kennedy, la femme de l'homme qui a beaucoup de chance de devenir président des États-Unis. Votre nom de jeune fille est Jacqueline Bouvier. Est-ce que Mr. Kennedy a épousé une Française? Non, je suis d'origine française. Ma famille est venue ici au XVIIIe siècle. Mais vous parlez un français parfait. J'ai passé un an à Paris, à la Sorbonne et l'école du Louvre. Alors, c'est peut-être pour ça. Et quel cours avez-vous suivi à la Sorbonne? J'ai suivi des cours de littérature comparée et un cours à sciences politiques. Vous avez un bon souvenir de ce passage en France? Ah, le meilleur souvenir. Vous y retournez de temps en temps? Oui, de temps en temps, j'y retourne. Comment est-ce que vous avez rencontré John Kennedy? Je l'ai rencontré chez des amis communs à Washington. J'habitais là avec mes parents et il était dans le Congrès. Et vous avez un enfant, je crois? Oui, j'ai une petite fille, Caroline, qui a 2 ans et demi. Est-ce que vous lui parlez français un peu? Oui, un peu, mais elle peut seulement chanter Frère Jacques maintenant. C'est déjà pas mal de chanter Frère Jacques. C'est Jackie Kennedy qui s'exprimait dans l'émission 5 colonnes à la une. Nous étions en 1960. Vous avez travaillé, Madeleine Fontaine, sur ce film Jackie de Pablo Laurin. C'était en 2016. Quel est le défi? Parce que Jackie Kennedy, photographié, filmé, nous connaissons tout. Je pense qu'il reste même les vêtements. Donc, il n'y a qu'à aller chercher en boutique. Non, c'est beaucoup plus complexe. Certes, non. Et la grande difficulté, c'est justement parce que là, on travaille, vous parliez de la mémoire collective. Là, on travaille avec une mémoire collective qui n'est pas la nôtre directement. Et c'est une mission très délicate. Déjà, parce qu'il faut là vraiment pas trahir ça. Ensuite, parce que, encore une fois, il y a des histoires d'adaptation. Le physique de Nathalie Portman n'a rien à voir avec celui de Jacqueline Bouvier. Et il faut que ça soit crédible à la première image et qu'on accepte le fait que c'est elle. C'est ce qu'elle représente. Après, je viendrai entendre avec vous sa voix. Je vois le travail que Nathalie... Alors là, c'est pas du costume, mais ça fait partie de l'incarnation. Je viendrai entendre la voix de Jacqueline Bouvier et je vois le travail qu'a fait Nathalie Portman pour cette voix-là. Et je suis très admirative. Et puis, nous attendons le tailleur rose, évidemment, dès qu'il est question de Jackie Kennedy. C'est oui. Difficile, ça, le rose. Ben, cette couleur-là, déjà, c'est pas évident. Et ensuite, c'est encore moins évident de l'avoir directement... exact à l'image, parce qu'il y a des traitements de l'image. Donc on avait retrouvé le tisserand qui pouvait refaire le tissu qu'il avait fait pour elle, pour ce fameux tailleur. C'était même la première collaboration de cette femme tisserand avec Chanel. Mais pas avant d'avoir essayé ça à l'image et au traitement de l'image. Donc on a dû faire plusieurs exercices des essais de teinture pour être sûr que le rendu serait ce qu'on attendait, ce que tout le monde attendait, comme vous venez de le dire, oui. Eh, c'est incroyable, ça, c'est-à-dire qu'il y a ce travail absolument énorme, parce que, Madeleine Fontaine, votre métier, donc moi je dis créatrice de costumes pour le cinéma, nous savons bien que dans ce monde du cinéma, monde artistique en fait, c'est extrêmement hiérarchisé, très militaire, mais c'est vrai, il y a toute une hiérarchie. Comment ça se passe du côté des costumes, l'organisation pour un tournage? C'est effectivement un travail d'équipe. Je veux dire, si ça devait rester dans ma tête, ça donnerait pas grand-chose à voir. C'est très précieux pour moi, l'équipe. Et c'est vraiment, en dehors de l'équipe costume, c'est l'équipe, parce que le travail du cinéma, c'est vraiment ça, c'est tous les talents rassemblés. Mais l'équipe costume, c'est extrêmement important aussi. Et c'est pas forcément hiérarchique. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce le soit dans mon univers. Mais en tout cas, c'est vraiment une histoire de collaboration et de partage. On ne peut pas tout assumer, donc c'est clair que c'est très important d'être entouré de gens avec lesquels on peut partager les charges et la conception, parce que c'est bien aussi de pouvoir échanger là-dessus. C'est pas, il n'y a rien de personnel à ce point-là dans le travail, c'est vraiment du partage et de la construction collective, je dirais. Et pour bien saisir votre travail, vous, Madeleine Fontaine, donc vous avez eu ce scénario, vous voyez les acteurs, vous avez travaillé sur la période, vous avez vu des images, vous concevez le costume que vous donnez à réaliser, vous êtes en suivi constante de la réalisation de ce costume? Absolument, ouais. Absolument. Et l'atelier, pour moi, c'est vraiment la palette avec laquelle je ne saurais pas travailler. C'est extrêmement important. Parce qu'en plus, c'est pas, je veux dire, il y a une conception de costume, oui, mais il y a aussi, encore une fois, les rencontres, la rencontre du comédien et donc la couleur qui va en découler, parce que c'est pas, tout le monde porte pas la même, de la même façon. Et puis, il y a aussi, les matériaux qu'on va trouver. Les tissus, leur manière de tomber. Et pour moi, ça, c'est une connivence indispensable aussi avec les gens qui travaillent, à l'atelier, pour ceux qui fabriquent. Oui, parce que le costume, ce n'est pas seulement une forme et une couleur, c'est aussi une matière. Le soir, il y avait triple ration de soupe pour tout le monde, vu que j'avais prévu pour tout un régiment. Trevor et Charbonneau étaient justement en train de dresser l'état des pertes. Là, comment ça se fait que les 5 condamnés apparaissent comme des soldats du bataillon, maintenant? On a reçu les ordres. Ça sent la magouille, ça. Magouille. Ça rime avec la brouille. Ça rime aussi avec tambouille. Allez les gars, la soupe ça va refroidir. Eh ben c'est déjà froid. Ah bah c'est déjà froid. Nous étions dans les tranchées, dans le film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, César, des meilleurs costumes, félicitations Madeleine Fontaine, dans un film là sur la Première Guerre mondiale. Il y a la matérialité du costume qui devient importante, cette lourdeur. Vous êtes très sensible à ça? Oui. Bien sûr, parce que c'est quand même l'endroit, le seul endroit dans lequel les poilus vivaient, en dehors des tranchées sordides, c'était aussi ce vêtement qui était leur peau. Et bien évidemment, on a cherché à avoir cette apparence de la lourdeur et la capote protectrice, etc. Mais en même temps, c'était pas possible que ça soit aussi lourd que ce qu'ils portaient vraiment, parce que c'était inconfortable. Et une fois que c'est mouillé et plein de boue, ça pèse un poids fou. Donc on a cherché un grammage qui soit entre les deux, et on l'a fait faire le tissu d'ailleurs, on a fait faire des kilomètres de tissu avant de faire les capotes. C'est vrai, ah, oui. Ça va jusque là, c'est pas chercher un tissu qui existe déjà et qui conviendrait bien. On a cherché, mais on fait pas des tissus comme ça maintenant. Ouais. On aime le confort, donc on les fait plus légers, plus onctueux. Non, on l'a fait faire. Un travail gigantesque, et dans ce travail, si nous gardons cet exemple de la Première Guerre mondiale, vous bénéficiez aussi de tous les travaux, eh bien, de ceux qui s'intéressent aux uniformes, alors l'uniformologie. Et il y a même tout ce travail qui est très intéressant, des reconstitueurs, de tous ceux qui reproduisent des scènes, qui font un travail énorme. Vous vous intéressez à ces démarches-là qui parfois ressemblent à de l'archéologie expérimentale, hein? J'ai l'impression qu'on a pratiqué souvent quelque chose qui est proche de l'archéologie expérimentale. Vraiment, parce qu'il faut chercher les systèmes qui étaient les systèmes mis en place avec un artisanat plus rustique. Mais les reconstituteurs, enfin, moi je les regarde avec un petit peu de distance aussi, parce que leur vision du costume n'est pas la même que la mienne. Même si c'est juste historiquement, le résultat concret est... Et pas celui que je cherche, moi, en tout cas. Oui, mais nous comprenons bien hein, que dans cette démarche-là, vous êtes pour le cinéma. C'est un travail, c'est un métier qui s'adapte à une nécessité. Et les reconstitueurs, eux, sont dans une autre démarche, une autre nécessité. Avec cette question, Madeleine Fontaine, du jusqu'où faut-il aller? Pour ceux qui font des reconstitutions, c'est l'absolu, c'est retrouver l'ensemble. Est-ce que vous, au moment de créer un costume, vous pensez aussi à ce que le spectateur, la spectatrice, ne voit pas ce qu'il y a en dessous? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr, ça commence par là. C'est aux premières couches contre la peau qui va déjà raconter quelque chose à la personne qui le porte. C'est moins confortable parfois quand même. C'est moins confortable, oui, mais enfin bon, sans une chemise, un corset, sous une robe des époques qui l'exige, il s'agit pas de confort là, il s'agit d'authenticité, j'allais dire. Il n'est pas question de faire souffrir, mais il est question de sentir. Ouais, c'est très chic hein, de penser que même les dessous doivent être historiques, des dessous chics. Dévoiler du tout, se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chics, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les dessous chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, ont filé. Les dessous chics, c'est la pudeur des sentiments, maquillée outrageusement, rouge sang. Les dessous chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un pas de soie. Les dessous chics, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Des rubans d'amertume sur un paravent décelant. Les dessous chics, ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles. Les dessous chics par Jane Berking dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Mandanares avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, qui sont les dessous chics de cette émission. Merci à vous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Madeleine Fontaine, créatrice de costumes pour le cinéma. Madeleine Fontaine, c'est une histoire personnelle d'arriver là où vous êtes avec ces prix que vous recevez, ce travail-là. Question, parce que il y a Parcoursup en ce moment, les jeunes cherchent leur voie. Comment on arrive là? Alors, je crois pas qu'il y ait une recette ou un mode d'emploi spécifique. Moi, ça se fait, c'est vraiment fait beaucoup de rencontres. Et je sais à qui je dois d'avoir pu cheminer. Là, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, Michel Richer qui m'a appris les arcanes du métier, Jean-Pierre Genet qui a été, pour moi, l'occasion de montrer mon travail dans une plus grande vitrine, et ça a vraiment changé des choses. Beaucoup de gens qui ont la fidélité de me redemander de travailler dans des époques différentes et qui permettent justement d'ouvrir l'éventail. C'est nourri d'un désir, bien évidemment, mais c'est aussi fait de rencontres et de chance. Et aussi de travail, désir, ah oui, de travail, ça c'est certain. Ça, c'est sûr. Mais de volonté de choisir des films d'époque particulièrement, on le sent bien quand on regarde votre filmographie. Je peux pas tout citer, mais il y en a tant, Yves Saint-Laurent, Versailles, la série, le Jackie, on en a parlé, le Nourrieff, sublime. Dans tous ces films, il y a comme une appétence aux films du passé. Oui, mais je pense qu'il y a une vraie raison au départ. Bon, déjà, ça offre un éventail beaucoup plus riche d'imaginaire que le contemporain. Et en plus, il y a dans le contemporain quelque chose de très ingrat. C'est que tout le monde a la sensation de savoir ce qu'il faut faire. Et qu'on se heurte plus à des images sociales, à des images de mode, à des choses qui sont pour moi, qui sont des limites par rapport à la projection. Et je suis très admirative de mes collègues qui travaillent en contemporain et qui le font bien et qui arrivent à y mettre quelque chose de personnel parce que ça me semble extrêmement ingrat. C'est beaucoup plus difficile. Oui, parce que le contemporain, nous avons du mal à le saisir. Ah bon, il y a des costumiers au contemporain. On entend ça aussi. C'est vrai. Ouais, parce qu'on pense que ce sont des stylistes qui vont juste faire des boutiques. Voilà. Non. Et ça, malheureusement, ça se résume beaucoup aussi à du shopping. Enfin, ce qu'on appelle du shopping, c'est ça, les courses, les boutiques. Je le sens pas comme ça. Non, vous êtes créatrice de costumes. Alors parfois, les films, oui, bien sûr, ont l'air d'époque, mais en réalité, ils sont très contemporains. Mado, chérie, c'est moi, je m'appelle Madeleine. Je ne dors plus, je ne mange plus. Je vis avec la certitude d'avoir laissé ma seule raison de vivre à Paris. Je ne la retrouverai que vendredi en 15... en voyant apparaître ma belette adorée sur le quai de la gare, dans sa robe bleue à bretelles. Autre parenthèse, c'est celle que tu trouves trop transparente. Bisous. Voilà. Vous aviez écrit des lettres comme ça, mademoiselle? Non. Je suis la belette de personne. Moi, je m'appelle Madeleine Wallace. On dit pleurer comme une madeleine. Hein, c'est ça qu'on dit. Et Wallace, les fontaines Wallace, c'est vous dire si j'étais prédestinée aux larmes. C'est Yolande Moreau, Audrey Tautou dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Et Diantre, Alexandre Manzanares, en regardant ce film, me dit « Mais c'est incroyable, Madeleine Wallace, Madeleine qui pleure comme une fontaine, vous êtes Madeleine Fontaine et vous êtes la costumière, la créatrice des costumes pour Amélie Poulain. Est-ce un clin d'œil ?» Je pense pas que ce soit, mais moi je l'ai reçu comme ça. Et ça m'émeut beaucoup de réentendre la voix de Yolande, qui est, je crois, la comédienne que j'ai le plus habillée, en oui, fait. Oui, Séraphine. Ah, pas que. Pas que, oui. Je regarde, mais c'est vrai, oui, elle est très présente, évidemment, ici. D'ailleurs, il se crée un lien très particulier avec ces acteurs, ces actrices que vous avez habillées au moment de les retrouver dans un film suivant. Vous savez déjà ce qui va leur aller. Oui, il y a déjà cette approche qui a été faite, c'est vrai, mais après on est dans un autre thème, donc tout est à revisiter. Ouais. Et puis, c'est vrai, quelqu'un comme Yolande Moreau, c'est quelqu'un qu'il est toujours agréable de retrouver. C'est, ah, ça, c'est sûr. Une belle personne. Mais avec un corps qui change aussi un peu. Et puis, dans les époques différentes et dans les rôles différents, tout est à recommencer. Oui, tout est à recommencer. Ça recommence tout le temps. Eh bien, on va peut-être commencer par là où vous, Madeleine Fontaine, vous avez commencé. C'était, en 1983. C'était plutôt l'été et cet été-là était meurtrier. Regardez-moi cette conne. Quand je me vois comme ça, heureusement que c'est comique, sinon je me tuerais. Lui, tout ce qu'il veut, c'est lui enlever sa pourriture de culotte. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est qu'il y arrive. Et qu'il se coince pas les doigts dans la fermeture éclair. Enfin bref, oubliez un moment qu'il est le fils de salaud de son ordure de père. Et moi, sans même me marrer, je lui dis... Oh, qu'est-ce qu'on te fait, ma petite Eliane? Qu'est-ce qu'on te fait? Juste pour qu'elle aille au bout de son plaisir et qu'on n'en parle plus. L'été meurtrier, Isabelle Adjani. le film de Jean Becker en 1983, car en 1983, c'est l'année où Isabelle Adjani chantait son pull marine. Donc, elle était très vêtement, mais les vêtements de l'été meurtrier, c'est en partie vous. Vous n'étiez pas là à faire les vêtements, vous étiez là à les chiner. Pas exactement. En fait, j'ai été appelée pour aider Thérèse Ripaud, qui était la créatrice de costumes à l'époque de Jean Becker, qui après a fait plutôt de la déco, et parce que c'était dans la région dans laquelle je vivais, parce que je connaissais effectivement peut-être les fripiers, et parce que je pouvais coudre aussi un peu, j'ai fait des petites choses pour Isabelle. Mais c'est le moment où j'ai rencontré ce métier, en fait, et où j'ai eu envie d'apprendre et de me former pour le faire. C'était une rencontre. Quand je vous parlais de rencontre, ça s'en était une aussi. C'est une rencontre avec des noms, j'imagine, parce que vous les avez cités, ces professionnels qui peuvent vous accompagner. Il y a une longue tradition de costumiers. Alors, du théâtre, on les connaît, du cinéma aussi. Est-ce qu'il y a une reconnaissance comme une évidence? Je sais que tout cela se construit sous forme d'associations que vous avez présidées, notamment Madeleine Fontaine. Oui, c'est vrai que c'est très important la transmission. Je sais que je suis très heureuse de voir grandir les gens qui sont dans mes équipes depuis longtemps et qui prennent leur envol, qui vont voler leurs propres ailes et qui sont des professionnels talentueux pour demain. Donc c'est important la transmission. Moi j'ai reçu ça et je tiens beaucoup à le faire. Perdurer. L'Association française des costumiers du cinéma et de l'audiovisuel, donc cette association dont vous avez été présidente, avec cette idée de transmission, et comme chaque métier, chaque corporation, eh bien, il y a une histoire avec des personnages. Je sais pas, j'aurais fait n'importe quoi pour rentrer, si tellement mon désir était grand de rentrer chez Paquin, et là, à ce moment, la chance a voulu que Monsieur Jean Cocteau, Monsieur Bérard, était en train de préparer les costumes de La Belle et la Bête. Vous pensez, pour moi, la chance inespérée. En plus de cela, on les a fait dans l'atelier où j'étais. Alors, adorant le costume, adorant le théâtre et le cinéma, quand on a vu ça immédiatement, par instinct, j'ai voulu faire cela et je les ai immédiatement compris, ces costumes. Monsieur Jean Marais était en Suisse à ce moment-là et il fallait faire des essayages. Il s'est trouvé qu'on m'a remarqué dans l'atelier où j'étais chez Paquin, et on m'a fait descendre dans les salons pour faire tous les costumes essayés sur moi par M. Bérard et M. Jean Cocteau. Par conséquent, j'étais tellement fou, mais que j'en rêvais la nuit, et qu'on a tellement, M. Bérard et M. Cocteau et tous ces gens qui travaillaient pour le film, M. Marcel Escoffier, ont tellement vu mon enthousiasme pour faire ce travail que, automatiquement, on m'a remarqué. Enfin, ça se voit, quelqu'un qui est sincère et qui est enthousiaste. Et on m'a demandé à ce moment-là, et j'ai fait ces costumes, et c'est comme ça que j'ai rencontré tous ces gens brillants à ce moment-là, qui pour moi représentaient le top de Paris. Ah, le top de Paris, mais lui-même en fait partie, c'est Pierre Cardin. Pierre Cardin qui s'exprimait à propos des costumes du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau en 1946. Et Pierre Cardin évoque un nom, Christian Bérard, personnage essentiel. Et c'est sûr que vous le connaissez, Madeleine Fontaine, quand on dit Christian Bérard dans ce monde des costumiers, on dit « Ah oui, référence, il est décédé en 1949 ». Oui, c'est une référence ancienne. Escoffier me parle aussi, je veux dire, c'est des noms, c'est nos aînés. Ce sont vos aînés, et il y a cette inspiration, il y a ce regard que vous portez les uns, les autres, avec vos collègues pour le dire, ainsi sur ces costumes. En gros, y a-t-il des astuces que vous vous transmettez? Des astuces, je sais pas. Enfin, c'est pas ce qui me vient à l'esprit, c'est pas le mot astuce. Plus un savoir-faire que des astuces, en fait, qui se transmettent. Plus une approche, un regard... Et le regard change aussi selon les époques. Les films d'époque faits à d'autres époques sont parfois marqués par l'époque. Ah, les oui. Années 60 en particulier, je trouve, parce que même les péplums dans les années 60 étaient maquillés 60, coiffés 60. Je dirais que maintenant, on approche les choses un peu différemment. C'est bien si ça reste pas trop marqué par l'époque de la fabrication, en fait. Et si c'est plus proche de ce que... De ce que ça a pu être l'époque en question. C'est toujours délicat. Parce qu'un film qui date Non, mais c'est très pertinent ce que vous dites là, parce que nous savons que tout document reflète le moment où ce document est produit, même s'il parle du passé. Et vous arrivez à voir par les costumes la période très vite, ou même l'école dans laquelle appartient ce costume, en disant « cela, aujourd'hui, on ne peut plus le faire ». Vous parliez des films de KPDP ou les Péplums, etc. Mais ils sont essentiels, tous ces films-là, avec Jean Marais, avec Bourville, parce qu'ils ont mis en place un imaginaire. Et comme vous nous avez dit, Madine Fontaine, qu'il faut aussi que cela corresponde, non pas à l'attente du public, parce que ce n'est pas ça, mais à l'image que nous pouvons avoir, ils sont essentiels. Ils ont imposé, mais eux-mêmes étant le fruit d'une longue histoire. C'est ça. Mais c'est vrai aussi que quand on revoit maintenant les films dont vous venez de parler, on les trouve, j'allais dire désuets, on les trouve... Les références visuelles sont plus les mêmes. Et en fait, c'est pas tant l'attente du public, c'est plus un sentiment de l'époque, j'allais dire, qui est important à transmettre. Parce que vous le dites vous-même, l'imaginaire s'en nourrit. Et après, ça fait référence. Donc, attention aux références. Oui, c'est toujours très, très dangereux. Attention aux références. Et puis, dans cette histoire-là, il y a à l'intérieur même de la narration la nécessité de s'adapter à l'époque, au moment, aux classes sociales. On l'a déjà dit, tout le monde n'est pas habillé pareil, c'est inévident. Et puis, il y a la saleté, l'usure du tissu. C'est très important, ça. Les péplums, les tissus sont souvent tout frais repassés et même, bien neufs. Et même en jersey plissé, tant qu'à faire. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Et pour moi, ça commence avec la matière, bien sûr, après la couleur. Et le traitement des tissus en patine vient aussi de la manière dont on commence à les traiter avant de les travailler, avant de les coudre. Là, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui travaille en couleur naturelle, en teinture naturelle, avec des pigments naturels. C'est beaucoup plus long, mais c'est tellement plus proche de ce que ça a pu être. Ben oui, bien sûr. Le sens du détail, en fait, est au cœur de votre travail. Du détail, oui, c'est très très important. Effectivement, ça va jusque-là, disons. Oui, voilà. C'est pas que du détail, mais ça va jusqu'au détail. Et ce souci-là, il doit être entier. La couleur, c'est toujours quelque chose qui m'a été très précieux, mais je trouve que là, il est encore plus sensible avec la couleur naturelle. Ça me correspond aussi beaucoup mieux parce que c'est répandre de la chimie partout, c'est pas franchement satisfaisant. Alors là, vous avez raison. Oui. Mais en plus, c'est dire, ça nous rapproche de ce qui a été utilisé. Donc du coup, ça donne aussi un grain, une profondeur aux matières. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut créer cette usure. Comment se crée cette usure du vêtement déjà porté ? C'est du temps, et parce qu'il faut arriver en quelques heures ou en quelques jours à faire vivre un tissu 10 ans, ce qui est quand même pas très... ça suppose beaucoup de râpe. C'est vrai, ouais. Bah oui, de râpe. Papier de verre, etc. C'est ça, papier de verre, brosse métallique. Enfin, ça dépend du degré d'usure. Et puis aussi la décoloration, parce que la lumière fait ça aussi sur la couleur avec le temps. Et c'est ce qui donne effectivement de la vie. Ce qui donne de la vie, mais parfois, hein, il faut que le costume soit étincelant, rutilant, au moment, surtout, d'aller rencontrer Manon. Dis, papy. Comment on fait pour parler aux filles? Parce que des mots d'amour, moi, je ne connais pas. Alors, tu es décidé, finalement? Oui, il faut que je commence le plus tôt possible parce que elle va de temps en temps au bagne et belle comme elle est, on finira par me la prendre. D'abord, où c'est que ça va se passer? Dans la colline, en faisant semblant de chercher des escargots ou des champignons, comme si je la voyais pas. Pas si vite. C'est pas bien de faire semblant de chercher des champignons ou des escargots. Ça fait pauvre. Quand on est riche, il faut le montrer. Il ne faut pas te présenter avec 10 francs d'habits sur le dos, mais avec un costume neuf et que ça se voit. Un vrai costume de chasse, avec des jambières en cuir et un chapeau de la même couleur. Et surtout, des bretelles. Importance des bretelles dans Manon des Sources, le film de Claude Berry en 1986, avec le papé Yves Montand, avec Galinette évidemment, Daniel Auteuil, Madeline Fontaine. Bon, déjà, une question d'enfant, mais ça fait quoi de travailler pour Yves Montand. C'est Yves Montand, vous habillez Yves Montand. C'était pas moi qui étais responsable de ça. Hein. C'était. Oui. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, mais il y en a plein qui m'impressionnent de toute façon, des comédiens et des figures. Et c'était. Moi, j'ai travaillé surtout sur la figuration de ce film-là. Sur les foules qu'on voit pas beaucoup d'ailleurs. On a travaillé longtemps, très longtemps, à fabriquer une foule de marché dans deux époques différentes. Et c'était un régal. Là, il s'agissait pas de figures connues. Mais la transformation, c'est toujours formidable dans nos métiers, de voir quelqu'un rentrer dans une époque contemporaine et ressortir dans un personnage du passé, c'est toujours très touchant, c'est très intéressant. Montand, moi, je l'ai pas beaucoup approché parce que c'était pas mon travail. Mais c'est ce que j'allais vous demander. Il y a tout ce travail de création du costume. J'ai envie de dire, nous sommes avant, parce que au moment du tournage, le costume doit être fait. Et pourtant, votre rôle ne s'arrête pas là. Vous êtes encore présente au tournage. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est important. De toute façon, tant que les choses sont pas dans le cadre, c'est pas fini. Mais c'est rarement considéré le fait qu'on doit être là sur la totalité du tournage. On ne penserait pas à libérer un chef décorateur avant la fin, mais les costumes, normalement, ils devraient être prêts, donc après, ça pourrait tourner sans. Donc, c'est vraiment à géométrie variable, ça. Il y a des films pour lesquels c'est indispensable. Enfin, avec Jeunet, par exemple, c'était toute la durée, parce qu'à chaque jour, il se passe quelque chose qui est important de suivre. Il y a des films sur lesquels c'est possible de préparer et de laisser le relais à des gens qui vont gérer le tournage, mais globalement, bien sûr, c'est important d'être là au moment où ça se fait. Et alors, justement, en évoquant ce tournage, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des remarques du réalisateur qui vous dit « Oh non, là, ça va pas, ça fait pas, non, je veux autre chose » et est obligé de justifier votre choix en disant « Mais non, c'est ça, j'ai travaillé mon sujet ». En principe, justement, c'est ce qui est différent avec les films dits d'époque, c'est que ça s'élabore doucement, enfin doucement. Dans le temps qu'on a, mais ça s'élabore et les étapes successives sont validées. On peut pas retourner chercher dans la boutique quelque chose pour que ça soit différent. On peut essayer d'adapter. C'est vrai que quand on se retrouve dans une situation de tournage, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, on peut essayer de trouver des solutions, mais on peut pas refaire. Et c'est pour ça que c'est un travail collectif sur la durée. Et l'évolution de la construction du costume se fait de telle manière que normalement, on n'est pas surpris par le résultat. Voilà, donc il n'est pas possible à un moment que le réalisateur vous dise « Ah non, mais ça, il faut lui mettre bleu !» Et là, vous dites « Non !» C'est-à-dire que je ne peux pas. Ben voilà. il aurait fallu qu'on le pense plutôt. Mais plutôt, c'est déjà arrivé de discuter avec un réalisateur où il vous dit « Ah non, le costume, là, je voudrais un peu plus énorme. » En fait, bien sûr qu'on propose des choses. Ouais. Enfin, on n'est pas là pour imposer, on est là pour proposer. Je veux dire, il y a des univers visuels plus ou moins définis dans l'esprit des réalisateurs. Il y en a qui ont vraiment des images précises. Il y en a qui savent les communiquer et d'autres pas. Mais on est là pour proposer des choses différentes et pour qu'ils aient le choix, bien sûr. Ben, en tout cas, merci, parce que c'est grâce à vous que nous avons toutes ces images en tête. Dès qu'il est question d'une lecture d'un livre d'histoire, bing, surgit tous ces films dont vous avez réalisé. Créer les costumes. Merci vivement, Madeleine Fontaine. Il est l'heure maintenant, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment fabrique-t-on des héros populaires ? L'exemple de Cartouche. Vous vous souvenez peut-être du film Cartouche, réalisé en 1962 par Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale dans les principaux rôles. Belmondo incarne un Cartouche certes bagarreur mais charmeur, avec un grand cœur. À la tête d'une puissante bande de voleurs, il vole les riches pour donner aux pauvres. Ce film a beaucoup contribué à diffuser le mythe de ce Robin des Bois à la française, mythe fort éloigné de la réalité, mais qui fut élaboré du vivant même de Cartouche. Pour l'état civil, il s'appelait Louis-Dominique Garthausen, né en 1693 et mort en 1721. Fils d'un ancien mercenaire allemand originaire de Hambourg, le nom de Cartouche lui fut attribué par francisation de son patronyme. À l'âge de 11 ans, il quitta le domicile parental et fut recueilli par une bande de tziganes. Il mena ensuite une existence précaire de petit délinquant, multipliant les agressions, les effractions, les vols sur véhicules, etc. ce qui fit rapidement de lui l'un des criminels les plus actifs de Paris, mais aussi un des plus violents. Arrêté, il fut condamné au supplice de la roue en place de Grève. Cette exécution fut suivie de l'arrestation de quelques centaines d'autres voleurs, présentés comme ses complices, qui furent, pour certains, condamnés à mort et pour d'autres, condamnés aux galères, au bannissement ou à l'internement. Les historiens qui ont étudié les archives du procès ont montré que Cartouche ne fut jamais le chef d'une puissante organisation criminelle et que sa générosité à l'égard des pauvres est une pure invention. L'événement essentiel qui donna naissance à cette légende fut son évasion en mars 1721, 2 mois après son arrestation. La publication à son de trompe d'une assignation à comparaître popularisa son nom, crié dans tout Paris. La police lança contre lui une véritable chasse à l'homme qui dura jusqu'au 14 octobre, quand il fut enfin arrêté après avoir été dénoncé par l'un de ses compagnons. Sa capacité à échapper pendant 8 mois aux pièges et aux traquenards tendus par la police amplifia considérablement sa popularité, car la police de Paris était détestée par le petit peuple. Nous avons là un bon exemple pour comprendre comment se fabriquaient des héros à une époque où la contestation frontale du pouvoir était quasiment impossible. Même si les pieds de nez de Cartouche à l'égard de la police avaient une valeur surtout symbolique, ils étaient perçus par ceux d'en bas comme une façon d'exprimer publiquement le rejet du pouvoir que détenait la classe dirigeante. Les élites contribuèrent à l'héroïsation de Cartouche en s'appropriant l'engouement populaire dont il bénéficiait pour faire de lui un héros finalement très moral. Dans leur récit, ces lettrés n'insistent pas sur les exploits de Cartouche dans son combat contre la police, mais sur la manière d'être et les vertus qu'ils attribuent au personnage. À cette date, les membres des classes supérieures et moyennes pouvaient encore se joindre à un mouvement d'opinion né au sein du peuple parce que l'espace public, fondé sur la communication écrite, n'était pas encore en place. Il faudra attendre encore plusieurs décennies pour que se constitue une opinion publique définitivement autonomisée par l'exclusion du populaire. Et bien voilà qui est clair. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne-Toscane Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Valentine Lovrens. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.